Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant, c'est-à-dire de la forme générale de la scission dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. Enough. Yeah. again.